الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلى الله وسلم عليه وعلى آله الأوفياء وأصحابه الأتقياء ومن سار على هديه واقتفى. خني الله تبارك وتعالى تغرقند الله عز وجل et le chemin des croyants et c'est la provision des gens pieux. Avec la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous atteindrons la félicité et la réussite le jour de la résurrection. Craignez donc Allah subhanahu wa ta'ala à chaque instant. Craignez Allah azza wa jal dans tout ce que vous faites et dans tout ce que vous délaissez. Et remerciez-le qu'il vous ait guidé vers la foi et qu'il vous ait fait atteindre ce mois béni. Ce mois béni qu'il a favorisé sur les autres mois et auquel il a donné des spécificités énormes et des bienfaits incroyables. Allah Azza wa Jal pendant ce mois a révélé le Coran qui est un guide pour les gens et une preuve claire et de la bonne direction et du discernement. Et c'est un mois que s'il est jeûné avec foi, tout en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, on nous pardonnera nos péchés précédents. Et si on prie pendant ce mois avec foi, tout en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien on nous pardonnera également nos péchés précédents, comme ceci est rapporté dans les hadiths authentiques. Et sachez que les meilleurs moments de ce mois sont les 10 dernières nuits durant lesquelles nous sommes actuellement. Et c'est même les meilleures nuits de toute l'année. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant ces nuits, multipliait les adorations et les œuvres pieuses. Et il faisait des efforts dans l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il faisait des efforts plus qu'il n'en faisait dans les autres moments de l'année. Aïcha radiallahu anha a dit, le prophète pendant les 10 dernières nuits du Ramadan priait la nuit, il réveillait sa famille et il faisait énormément d'efforts, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Et ce qui prouve que ces nuits, que ces 10 dernières nuits ont une grande valeur et qu'il y a parmi elles la nuit du destin, Laylatul Qadr. Allah tabaraka wa ta'ala y a révélé le Coran pendant cette nuit. Et c'est une nuit durant laquelle est décidé tout ordre sage. L'adoration durant cette nuit est meilleure que l'adoration que tu ferais durant 1000 mois. C'est une nuit où il y a beaucoup de bénédictions et de bienfaits, parce que durant cette nuit descend l'abondance divine. Et parmi les signes de la foi et le fait qu'Allah Azza wa Jal est satisfait de toi et que la personne profite de ces moments-là en y accomplissant des œuvres pieuses et toutes sortes d'adorations, en revenant vers Allah Azza wa Jal repentant et humilié, et celui qui prie cette nuit-là avec sincérité et avec foi, tout en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, ses péchés précédents lui seront pardonnés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui prie la nuit du destin avec foi et en espérant la récompense d'Allah Azza wa Jal, eh bien ses péchés précédents lui seront pardonnés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a exhorté à rechercher cette nuit durant les nuits impaires. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a exhorté à ce que l'on recherche la nuit du destin pendant les nuits impaires, et où dans les 7 dernières nuits de ce mois béni, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, recherchez-la, c'est-à-dire la nuit du destin, durant les 10 dernières nuits. Celui qui est affaibli ou qui ne peut pas, qu'il ne la laisse pas passer durant les sept dernières nuits du mois. Et dans une autre version, celui qui la recherche, qu'il la recherche durant les 7 dernières nuits. Rawahu Muslim. Et Aïcha radiallahu anha demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle invocation devons-nous faire durant cette nuit? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, ô Seigneur, il lui dit de dire, Aïcha lui dit de dire, ô Seigneur, tu es pardonneur et tu aimes le pardon, pardonne-nous le péché. Allahumma innaka afu, tuhibbul afwa fa'afu anni. Et profitez donc de ces occasions qu'Allah tabaraka wa ta'ala vous a données, et profitez de ces moments bénis où les œuvres sont multipliées. Profitez de ces moments en vous rapprochant d'Allah tabaraka wa ta'ala et en vous concurrençant dans le bien et en préservant vos œuvres, que ce soit la prière, que ce soit le jeûne, les aumônes, la bienfaisance, ou que ce soit en étant compatissant envers les pauvres et en demandant le pardon de votre Seigneur tabaraka wa ta'ala et en l'invoquant énormément jour et nuit, car l'évocation d'Allah tabaraka wa ta'ala purifie les âmes et apaise le cœur. Et elle ramène la tranquillité, comme Allah tabaraka wa ta'ala nous le dit dans le Coran. N'est-ce pas avec l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent? Et le meilleur des rappels et la meilleure des évocations, c'est la lecture du Coran. Et ceci fait partie de la sunna de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La sunna de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est de multiplier la lecture du Coran durant ce mois. Et le fait de le lire ou de lire une lettre du Coran et récompensé par des hasanats, comme ceci est rapporté dans les hadiths authentiques. Et craignez Allah donc, et saisissez l'occasion durant ce peu de jours qu'il vous reste, en vous empressant d'obéir à notre Seigneur Azza wa Jal. Il se peut que vous soyez atteint par la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala pendant ces jours-là, pendant ces nuits-là, et que vous soyez élevé au degré des alliés pieux d'Allah Azza wa Jal, qui n'auront aucune crainte et qui ne seront jamais affligés. Et prenez garde également au péché et au fait de suivre vos passions et au fait de suivre les tentations. Et prenez garde à la perte de temps dans les discussions futiles et inutiles, celles qui ramènent la colère d'Allah tabaraka wa ta'ala et sont pour vous, et celles que vous regretterez amèrement quand vous rencontrerez votre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et revenez au contraire repentant vers Allah tabaraka wa ta'ala et demandez-lui de vous épargner du feu de l'enfer. Allah azza wa jalla a dit: et quiconque est écarté du feu et introduit au paradis, cette personne aura certes réussi, et la vie d'ici-bas n'est qu'une jouissance trompeuse. ثم اعلموا ان الله امركم بالصلاه والسلام على نبيه فقال في محكم التنزيل ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار اللهم كما مننت علينا ببلوغ رمضان فمن علينا فيه بالعفو والغفران والرحمة والرضوان والعتق من النيران يا رحيم يا رحمن اللهم تقبل توبتنا اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها اللهم اهد شباب المسلمين اللهم اهد شباب المسلمين اللهم اهد شباب المسلمين اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين اللهم اهد نساءنا اللهم اهد نساءنا اللهم اهد نساءنا وأطفالنا وذريات المسلمين يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم تقبل منا الصيام والقيام اللهم تقبل منا الصيام والقيام اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا واجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله